Chapitre 7. 8 jours se sont passés et la situation a changé de face. Camille Monistrol penche toujours à venger son père, mais elle pense aussi beaucoup à Georges de Ménestreau, qui lui a déclaré ses sentiments et qui aspire ouvertement à l'épouser. Julien Gémozac s'est déclaré aussi, en dépit des conseils de sa mère, et n'a obtenu de Mademoiselle Monistrol que des réponses évasives. Il soupçonne qu'il a un rival, mais ce rival il ne l'a jamais rencontré chez la jeune fille, car il n'ose pas s'y présenter en dehors des heures qu'elle lui indique. Il se contente de servir d'intermédiaire entre Camille et M. Gémozac père, qui ne désapprouve qu'à demi les assiduités de son fils, et qui croit plus que jamais au succès productif du condensateur inventé par feu Monistrol. Julien broie du noir et essaie sans y réussir de se distraire en jouant un jeu d'enfer. Alfred de Fresnay a triomphé sans trop de peine des scrupules de la comtesse de Lugo. Il l'a installé dans le petit hôtel de la rue Mozart, meublé en 48 heures par un tapissier expéditif. Et il s'est lancé à corps perdu dans la carrière, nouvelle pour lui, de protecteur attitré. Il n'a pas encore eu à s'en repentir. La Hongroise n'affiche pas pour lui une passion violente, mais elle le traite bien, et elle l'amuse énormément. C'est une femme à surprise, tantôt triste et maussade, tantôt gaie jusqu'à la folie. Jamais la même, et cependant toujours prête à inventer des extravagances pour divertir son seigneur et maître. Elle ne parle plus de sa noblesse ni de ses ancêtres, et il n'est plus question de M. Tergovitz. Fresnay commence à croire qu'elle est née à Batignolles ou à Belleville, mais c'est là le moindre de ses soucis. Il lui suffit qu'elle soit inédite, c'est son mot quand il parle d'elle, et en effet, parmi les gens de sa bande, aucun ne l'a encore reconnue, quoiqu'il ne se prive pas de la montrer. Il l'amène au cirque et il s'exhibe avec elle aux Champs-Élysées et au bois en voiture découverte. C'est pourquoi il ne regrette pas l'argent qu'elle lui coûte, et il brave gaiement le danger de se toquer d'elle au point de la prendre au sérieux. Olga, la femme de chambre soupeuse, a suivi la fortune de sa maîtresse. Il la sert avec un zèle et une fidélité exemplaires. Fresnay a déjà essayé plus d'une fois de lui arracher des confidences sur le passé de la soi-disant comtesse. Olga est restée muette comme un poisson, et les larges gratifications qu'elle encaisse ne lui délient pas la langue. Mais elle s'ennuie de l'existence facile et douce que le prodigue Alfred lui a faite, et on voit qu'elle préférerait se remettre à tirer les cartes. Elle a la nostalgie de la vie de Bohème. L'hôtel où Fresnel l'a logé avec Madame de Lugo ne ressemble guère à la maisonnette, où, à l'autre bout de Paris, Mademoiselle Monistrol passe de tristes heures, dans une solitude à peine interrompue par les visites de ses deux amoureux, car elle n'a aucune nouvelle de Courapier ni de Georget. Et elle commence à croire, comme Monsieur de Ménestreau, qu'ils sont allés rejoindre Zigzag. L'oncle d'Alfred avait été, en son temps, un viveur effréné. C'est dans le sang des Fresnay. Et le neveu ne faisait que suivre les traditions de sa famille. Cet oncle qui possédait 60 000 livres de rente et qui avait écorné son capital avec des horizontales de son temps, s'était avisé sur le tard de se ranger, ou du moins de régulariser ses fraudaines, en faisant bâtir une petite maison pour y loger ses dernières amours. Le vieux coureur, emporté par une attaque de goutte remontée, n'avait pas eu le temps de réaliser ce louable projet. Mais il était écrit que l'hôtel ne changerait pas de destination, et Madame de Lugo méritait bien de l'occuper. Situé à l'angle aigu que forme la rue Mozart avec la rue de la Cure, ce logis faisait honneur à l'architecte qui avait su tirer le meilleur parti possible d'un terrain très restreint. Un pignon du style gothique belge, avec une terrasse en guise de jardin, s'avançait comme un cap vers les hauteurs de Passy, et les passants pouvaient croire que la façade presque monumentale cachait de vastes appartements, tandis qu'il n'y avait guère à chaque étage que 3 pièces assez exiguës, un salon et une salle à manger au premier, la chambre à coucher et le cabinet de toilette de madame au second, et sous les combles le logement de la femme de chambre, en attendant la cuisinière et le domestique mâle que Fresnay avait promis. L'ameublement n'était pas encore complet, mais au train dont allait le bailleur de fonds, les objets d'art et les bibelots coûteux ne devaient pas se faire attendre. Tel qu'il était d'ailleurs, une femme, même difficile, pouvait fort bien s'en contenter. Fresnay, dès le premier jour, avait pris des habitudes. Il venait chercher la comtesse à 4 heures pour la promener dans une élégante Victoria qu'il avait louée au mois. Il dînait avec elle au restaurant et il lui consacrait toute sa soirée, dans la plus large acceptation du mot, c'est-à-dire qu'il la quittait vers 2 heures du matin pour aller finir sa nuit au cercle où le baccarat le maltraitait beaucoup moins depuis le commencement de sa liaison. Madame de Lugo, entre autres qualités, avait celle de porter la veine. Donc un lundi, par un joli temps printanier, Alfred descendait un peu plus tôt que de coutume la rue Mozart, au grand trot du cheval, qui traînait sa voiture de louage. La comtesse, ordinairement, l'attendait sur sa terrasse, ou derrière les vitres de la porte-fenêtre qui faisait face à la rue. Mais ce jour-là, elle n'était pas à son poste, et en levant les yeux, Alfred crut apercevoir au dernier étage, à travers les carreaux d'une lucarne, une silhouette masculine. « Déjà, dit-il entre ses dents, ce serait drôle, et je ne prendrais pas la chose au tragique. Je ne serais même pas fâché d'avoir barre sur cette excellente Stepana. Car enfin, je ne compte pas la garder à perpétuité, et quand l'envie me prendra de rompre, je ne serais pas fâché d'avoir un bon prétexte. » La silhouette disparut bien avant que la Victoria s'arrêta devant une petite porte latérale qui tenait lieu de porte cochère à cet hôtel, sans prétention. Alfred avait une clé pour son usage personnel, et c'était le cas ou jamais d'en user pour surprendre la dame, qui portait le prénom essentiellement hongrois de Stepana, en français Étiennette, un petit nom champêtre, peu répandu parmi les comtesses. Il a dit à son cocher d'avancer et d'aller stationner un peu plus bas, descendit lestement, ouvrit avec précaution et se glissa sans bruit dans le vestibule où d'habitude Olga venait le recevoir. Cette fois, elle n'y était pas, mais en prêtant l'oreille, il lui sembla entendre sa voix, et même un éclat de rire, qui ne partait pas du rez-de-chaussée. « Il me paraît qu'on s'amuse là-haut, dit-il tout bas. Si j'allais me trouver nez à nez avec un monsieur. Je ne tiens pas à m'embarquer dans une querelle pour les beaux yeux de cette rousse, mais, bah, pour une fois que je trouve l'occasion de jouer les Othello, je ne veux pas la manquer. Ça m'amusera peut-être. » Il monta l'escalier à pas de loup, et arrivé sur le palier du premier étage, il s'arrêta pour écouter. Puis, n'entendant plus rien, il entrouvrit doucement les portières qui masquaient l'entrée du salon, et il eut un spectacle qu'il n'avait pas prévu. Ce salon était divisé en deux parties par une cloison. Ouverte au milieu, une cloison mobile, qu'on pouvait enlever à volonté, et dont l'ouverture n'avait pas encore de rideau. Dans le compartiment qui confinait au palier de l'escalier, immédiatement sous les yeux d'Alfred, mais lui tournant le dos, Olga, assise devant un guériton en lac, se tirait les cartes ou les tirait à sa maîtresse, qu'il ne voyait pas, ou plutôt qu'il ne voyait que par intervalle. Elle apparaissait un instant, à 6 pieds du sol, et elle disparaissait aussitôt, ramenée en arrière, par le balancement régulier d'un trapèze sur lequel madame se tenait debout, en costume complet d'acrobate. Maillot couleur chair, courte jupe rose, souliers de satin attachés avec des cothurnes, cheveux dénoués, flottant sur les épaules nues. « Il faut qu'elle ait été saltimbanque, pensa Freinet. Je m'en suis toujours douté. » Et au lieu d'entrer brusquement pour mettre fin au jeu, il se tint quoi pour jouir tout à son aise de ce spectacle, qui ne manquait ni d'originalité ni de charme. Contempler sa maîtresse perchée sur une escarpolette, c'est un plaisir que peu de gens peuvent se procurer. Et l'excentrique Alfred se divertissait fort à regarder cette vision intermittente d'une créature bien découplée, allant et venant par les airs, comme un oiseau, ou comme un battant de cloche. Il se garda bien de la déranger, d'autant que la devineresse Olga se mit à parler tout haut, et qu'il n'était pas fâché d'entendre ce qu'elle disait à la comtesse. Les amants sérieux ont bien le droit de profiter de ces occasions-là, et c'est à peu près le seul cas où un galant homme peut écouter aux portes sans compromettre sa dignité. « Encore le valet de cœur, s'écria la soubrette. C'est une bonne carte, mais elle revient trop souvent. « Jamais trop, répondit au vol madame de Lugo. Nous l'avons vu aujourd'hui, mais s'il se rencontrait avec le roi de trèfle... Je m'en fiche du roi de trèfle. Moi pas, le trèfle c'est de l'argent. Et puis voilà une dame de carreau qui me gêne. C'est de la brouille à propos d'une femme. Celle qui se mêlera de mes affaires passera un mauvais quart d'heure, répliqua la comtesse, du haut de son perchoir volant. Mais je ne crains personne. Allons, bon, le 9 de pique à présent. La plus mauvaise carte du jeu. La manque. Tout ça finira mal. Assez, tu m'ennuies avec tes prédictions. Va-t'en là-haut préparer ma douche. Il est temps que je me mette à ma toilette. Le baron va arriver. Et il ne faut pas qu'il se trouve bec à bec avec le valet de cœur. Bon, se dit Freinet, il paraît que c'est moi qui suis le roi de trèfle. Va donc, reprit la comtesse, je monterai dans 5 minutes. Et tu redescendras pour enlever le chevalet, le trapèze et les cordes. Si le baron voyait tout ça, il en resterait bleu. Et il serait capable de me lâcher, quand j'ai encore besoin de lui. Olga plia bagage, se leva et se dirigea vers l'escalier, pendant que sa noble maîtresse exécutait sur la barre fixe ce que les gymnastes appellent un rétablissement. Freinet eut la présence d'esprit de se cacher sous les plis du rideau, juste au moment où la soubrette l'écartait pour sortir, et il opéra avec tant de précision qu'elle passa sans le voir. Un amant plus épris aurait profité de l'occasion pour la suivre de loin, afin de s'assurer que le valet de cœur n'était pas dans la chambre à coucher ou dans le cabinet de toilette. Mais Freinet n'était pas jaloux, et il ne résista pas au désir de faire une niche à madame de Lugo. Il entra sur la pointe du pied et il la trouva assise sur le trapèze, le corps renversé en arrière, les mains cramponnées aux cordes d'appui et les jambes horizontales. « Bonjour, comtesse, » dit-il de sa voix la plus douce. Elle se redressa vivement, sauta à terre et vint se planter devant lui, en croisant ses bras sur sa poitrine. « Comment êtes-vous entré ici ? » demanda-t-elle d'un ton sec. « Par la porte, » répondit Alfred sans se déconcerter. « Vous savez bien que j'ai une clé. Je ne vous l'aurais pas confiée si j'avais prévu que vous en abuseriez pour m'espionner. Moi, vous me connaissez bien mal. Je vous laisse pourtant toute liberté. » Et je ne viens jamais qu'aux heures où vous m'attendez. Je suis en avance aujourd'hui. C'est vrai, mais je ne regrette pas d'être arrivé un peu plus tôt, car je vous ai surprise dans un costume qui vous va fort bien, et j'ai pu constater que vous possédiez un talent dont vous ne m'avez jamais parlé. Je vous ai dit que j'aimais tous les exercices du corps, et j'en suis complètement privé depuis que je demeure ici, car j'attends toujours le cheval de sel que vous m'avez promis. Bien riposté, Stépanette, dit Alfred en riant. Tu l'auras cette semaine. J'en ai vu un au Tattersall. « Qui te convient à merveille. Personne ne peut le monter. »« Je me charge de le mettre au pas. »« J'y compte bien, et par la même occasion, je vais m'en payer un, dont j'ai envie depuis 15 jours. »« Nous monterons le matin, et tu épateras les habitués de l'allée des poteaux. »« À la bonne heure, je pardonne. »« Mais aussi, quelle idée de tomber ici sans crier gare. »« Votre voiture n'est donc pas arrivée par le haut de la rue ?»« Mais si, seulement tu étais absorbé par tes tours de force, et tu ne l'as vu ni entendu. » Voilà ce que c'est que de trop aimer la gymnastique. C'est un goût qui date de mon enfance. Mon père m'a donné mes premières leçons quand j'avais à peine 7 ans. Vous êtes monté ici tout droit ? Mon Dieu, oui. Et j'avoue qu'avant de me montrer, je me suis amusé à te regarder par l'interstice des rideaux. J'admirais ta force et ta souplesse. J'ai ri des bêtises que te contait ta femme de chambre. Comment se fait-elle qu'elle ne vous ait pas vu ? Elle ne pensait qu'à ses cartes, et quand tu l'as envoyée là-haut, elle a passé tout près de moi sans se douter que j'étais là. « Il est bon qu'elle le sache, » dit la comtesse en se rapprochant de l'escalier et en élevant la voix. « Madame m'appelle, » cria la camériste. « Non, monsieur vient d'arriver. Dépêche-toi d'apprêter ce qu'il faut pour m'habiller, » répondit Madame de Lugo. « Et pour avertir le valet de cœur que tu parles si haut ?» demanda en souriant Alfred. « Mon cher, je ne veux pas de scène de jalousie. Je n'ai pas d'amant, vous le savez fort bien. Le jour où il me plaira d'en prendre un, je ne me gênerai pas pour vous le dire. » Et je vous déclare dès à présent que j'en ai assez de la solitude où vous me confinez. Vos amis doivent penser que vous avez honte de moi, et j'entends que vous me les présentiez. En commençant par celui qui était avec vous lorsque je vous ai rencontré au café des ambassadeurs. J'ai Mozac, s'écria Freinet, en voilà un dont la société ne te procurerait aucun agrément. Pourquoi donc ? Demanda la comtesse. Le soir où je l'ai vu, il m'a paru charmant. Et à moins que vous ne soyez jaloux de lui, « je ne vois pas pourquoi vous ne l'amèneriez pas. »« Je ne demanderai pas mieux, mais il n'y a plus rien à faire de ce garçon-là. Il est amoureux. »« Encore si c'était pour le mauvais motif. »« Mais il veut épouser l'objet. C'est un homme à la mer. »« Et de qui donc est-il si épris ?»« D'une orpheline, comme dans les drames de M. Dennery. »« La fille de l'inventeur Monistrol, vous m'avez parlé d'elle au restaurant des ambassadeurs. »« Peste, quelle mémoire !»« Je n'oublie jamais rien de ce que vous dites, mon cher. » Je ne suis pas comme vous, qui ne vous souvenez plus d'une foule de choses que vous m'avez promises. Le cheval de sel, tu l'auras demain. J'y compte, mais vous vous étiez engagé à me tenir au courant des faits et gestes de votre camarade Gémozac, et depuis que j'ai consenti à habiter rue Mozart, vous n'avez pas une seule fois prononcé son nom devant moi. Si je m'étais douté que l'histoire de ces amours vous intéresserait, je vous en aurais rebattu les oreilles. Comment ne m'intéresserais-je pas à une jeune fille malheureuse et à votre meilleure amie ? Ils ne sont à plaindre ni l'un ni l'autre. La petite aura des millions qui ne lui coûteront rien, et si elle ne correspond pas à la flamme de Julien Gémozac, il y a de quoi se consoler, car il sera encore plus riche qu'elle. Vous allez me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je vous répondrai qu'il y contribue diablement, et vous conviendrez que j'ai raison. Alors, mademoiselle Monistrol n'aime pas ce jeune homme ? Il paraît que non. Il est pourtant fort bien de sa personne. Oui, mais l'amour, c'est comme la foi. Ça vient ou ça ne vient pas. Le soir où je t'ai rencontré, ça m'est venu tout de suite. Ne dis donc pas de bêtises. Vous avez eu un caprice pour moi. Mais de l'amour, allons donc. Vous n'êtes même pas jaloux. Comme un tigre. Si vous l'étiez, vous ne blagueriez pas tant. Et vous auriez commencé par monter pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un là-haut, dit Madame de Lugo en regardant à la dérobée, par la fenêtre qui donnait sur la rue Mozart. C'est que je crois à ta vertu, ô Stépana. Vas-tu pas me reprocher d'avoir confiance en toi ? Avec vous, il n'y a pas moyen de parler sérieusement. J'y renonce et je vais m'habiller pour sortir avec vous. Le fait est que dans ce costume, tu es à croquer. Mais il serait peut-être insuffisant pour aller dîner à Madrid ou au pavillon d'Armenonville. C'est dommage, tu aurais un succès. Ce n'est pas la petite bourgeoise du boulevard Voltaire qui pourrait s'exhiber en maillot. Qu'en savez-vous ? Demanda vivement la comtesse. Oh, ce n'est de ma part qu'une appréciation, mais elle doit être juste. Je déshabille une femme du premier coup d'œil, et je ne me trompe jamais. Affaire d'habitude. Je n'ai fait qu'entrevoir la demoiselle en question, le soir où elle s'est fait mettre à la porte du baraque, à la foire au pain d'épices. Mais ça m'a suffi. Elle appartient à la grande catégorie des maigres qui promettent. Elle engraissera plus tard, mais pour le moment, elle n'est pas encore à point. Tandis que toi, ma Stépanette. Moi, j'ai 28 ans, mon cher, et mademoiselle Monistrol m'est très sympathique. Où en est-elle de sa campagne contre l'assassin de son père? Si j'étais à la place de M. Gémozac, j'aurais déjà retrouvé ce bandit. C'est possible. Tu as de l'initiative, toi, et de l'audace et de l'entregent. Tandis que ce pauvre Julien n'est pas débrouillard. Croirais-tu qu'il s'est adressé à une agence de renseignement? Célérité, discrétion, il paie très cher des drôles qui font semblant de chercher Zigzag et qui boivent au cabaret l'argent de mon naïf ami. Du reste, je suis convaincu que ce Zigzag est un personnage fantastique. Ce saltimbanque au pouce crochu n'a jamais existé. Comment, au pouce crochu? Ah, c'est vrai, tu ne sais pas. Eh bien, la jeune Monistrol déclare qu'elle n'a vu de lui que sa main, et que cette main est faite de telle sorte que personne n'en possède une pareille. Julien me l'a décrite, d'après ce qu'elle lui en a dit, et rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Figure-toi une patte de homard, une main d'orang-outan, velue, crochue, avec des ongles recourbés comme des griffes. Mais c'est absurde, cette pauvre enfant, troublée par la peur, aura mal vu. Et si elle fonde sur ce détail l'espoir de retrouver le meurtrier, elle n'y parviendra jamais. Je le crains, et je t'avoue que ça m'est parfaitement égal. Mais Julien n'en dort pas, il en sèche sur pied. Sa mère, qui le voit pincer, a beau le chapitrer, il va tous les jours au boulevard Voltaire, et quand la demoiselle ne le reçoit pas, il passe des heures entières à contempler la maison. Un de ces soirs, il ira jouer de la mandoline sous les fenêtres de sa belle. Et ce qu'il y a de pis, c'est qu'il a un rival. Vraiment, je croyais que cette jeune fille était sage. Oh, ce doit être un rival pour le bon motif. Elle ne songe qu'à se marier. Et le monsieur qu'elle reçoit est sans doute animé des intentions les plus pures. Quoi, elle reçoit un monsieur? Mon Dieu, oui. Et elle le reçoit en cachette. Julien, qui le guette, n'a pas encore pu apercevoir son visage. Il arrive en voiture fermée. Et Julien n'a pas encore eu la chance de se trouver là au moment où il débarque. Quand le galant préféré est entré, on ne reçoit pas l'amoureux transi, et mon toqué d'amis n'a pas la patience d'attendre que ce monsieur sorte. Du reste, alors même qu'il le verrait, il n'en serait pas beaucoup plus avancé, car vraisemblablement il ne le connaît pas. « Qui sait ? » murmura la comtesse pensive. « Est-ce que ça t'intrigue ? » « Pourquoi pas ? Je suis très curieuse, et les problèmes à résoudre m'attirent toujours. » Je m'imagine que si j'étais en relation avec mademoiselle Monistrol, je lui donnerais de bons conseils. Mais tu ne la rencontreras jamais sur ton chemin. Laisse donc là cette persécutée, et va t'habiller pour venir avec moi faire un tour au bois. Par ce beau temps, il doit y avoir un monde fou, et si tu mets ta nouvelle toilette, toutes les femmes en auront la jaunisse. Tu tiens absolument à aller au bois ? Demanda la comtesse, en reprenant tout à coup le tutoiement câlin. Non, mais on ne peut guère aller que là. Et d'ailleurs, si nous dînons à Madrid... « Il n'est pas l'heure de dîner. Pourquoi n'irions-nous pas, en attendant, faire une visite à mademoiselle Monistrol ?»« Faire une visite à mademoiselle Monistrol ?» répéta Freinet. « Et à quel titre, bon Dieu ? Tu ne la connais pas, et elle ignore que tu existes. »« Qu'importe, » répliqua froidement la comtesse, « tu me présenteras. »« Belle recommandation, ma foi. Je l'ai vue une seule fois pendant un quart d'heure, et si elle ne m'a pas oublié, elle a gardé de moi un très mauvais souvenir, attendu que je l'ai planté là le soir où on a tué son père. » Gémozac m'en a beaucoup voulu, et il a dû s'en plaindre à la jeune personne. Eh bien, ce sera une excellente occasion de lui offrir tes excuses. Je les appuierai, et elle te pardonnera. Tu es folle. Sous quel diable de prétexte veux-tu que je conduise chez cette fillette la comtesse de Lugo? Et pourquoi n'irai-je pas la voir? Parce que je suis votre maîtresse? Mais quand il n'y aurait que cela... Fort bien. Alors vous me considérez comme indigne d'être reçu par une honnête femme? À cette interpellation inattendue, la réponse était délicate, et Freinet essaya de s'en tirer par un biais. « Eh ! S'écria-t-il, elles sont à semantes, les honnêtes femmes. Laissons-les confire dans leurs vertus et amusons-nous sans elles. Veux-tu que je te lance dans le monde, les grandes horizontales ? Tu n'as qu'à parler. Je les connais toutes et elles te feront fête. Veux-tu courir les basses tringles de barrière ou pénétrer les mystères du balbulier et des brasseries du quartier latin? Tu en grillais d'envie quand j'eus le bonheur de faire ta connaissance sur la terrasse du concert des ambassadeurs. Si cette fantaisie t'a passé, en as-tu une autre? Je me charge de la satisfaire, mais ne me demande pas de te traîner chez une petite sotte dont tu ne te soucies nullement, ni moi non plus. Que de phrases pour dire que vous refusez de faire ce que je veux. C'est la première fois, ce sera la dernière.